Aujourd'hui, mercredi, le 19 avril, bienvenue à LLB, la lecture de la Bible. C'est Maxime Leblanc qui est avec vous, qui vous parle toujours depuis les studios du ministère Cœur d'Ancre sur la côte de Beaupré. Il me fait plaisir d'être avec vous encore ce matin pour pouvoir partager ensemble notre lecture de la Bible d'aujourd'hui. Donc, nous lirons comme à l'habitude nos quatre sections. Donc, une partie de l'Ancien Testament, notre psaume, proverbe et un texte du Nouveau Testament. Nous lisons ce matin dans la version français courant et nous commençons à l'instant avec Josué chapitre 19. Nous lirons du verset 1 jusqu'au chapitre 20, le verset 9. La deuxième part attribuée par le sort fut celle des clans de la tribu de Siméon. Leur territoire était entouré par celui de la tribu de Juda. Il comprenait les villes de Beersheba, Sheba, Molada, Asar-Shual, Baala, Esem, El-Tolad, Bethul, Orma, Siklag, Beth-Markabot, Asar-Soussa, Beth-Lebaoth et Charouen, soit 13 villes et les villages voisins. Il y avait aussi Aïn, Rimon, Éther et Akan, soit 4 villes et les villages voisins, auxquels s'ajoutaient toutes les localités environnantes jusqu'à Baalat-Ber et Ramat-Negev. Tout cela constituait la part des clans de Siméon. Le territoire de la tribu de Siméon avait été pris dans celui de Juda, car les descendants de Juda avaient reçu un territoire trop grand pour eux. C'est pourquoi la tribu de Siméon se trouva entourée par le territoire attribué à Juda. La troisième part attribuée par le sort fut celle des clans de la tribu de Zabulon. Leur territoire s'étendait au sud jusqu'à Sarid. De là, la frontière remontait vers l'ouest jusqu'à Marala, puis jusqu'à Dabéchet et au torrent qui coule à l'est de Yokneam. De l'autre côté de Sarid, la frontière se dirigeait vers l'est, touchait le territoire de Kislot-Tabor, passait par Dabrat et montait jusqu'à Yafia. Ensuite, elle continuait plus à l'est jusqu'à Gath-Épher et Et-Cassin, rejoignait Rimon et tournait vers Néa. Au nord, la frontière contournait Anaton et aboutissait dans la vallée de Iphtahel. Le territoire comprenait 12 villes avec les villages voisins, en particulier les villes de Katat, Nahalal, Shimron, Idala et Bethléem. Toutes ces localités se trouvaient dans la part attribuée au clan de la tribu de Zabulon. La quatrième part attribuée par le sort fut celle des clans de la tribu d'Issacar. Leur territoire comprenait Jisréel, Kessoulot, Shunem, Apharaïm, Sion, Anaharat, Rabit, Kishion, Ebès, Remet, Enganim, Enhada et Beth-Passès. La frontière touchait à Tabor, Chassaïm, Beth-Shemesh et aboutissait au Jourdain. Le territoire comprenait 16 villes avec les villages voisins. Toutes ces localités se trouvaient dans la part attribuée au clan de la tribu d'Issacar. La cinquième part attribuée par le sort fut celle des clans de la tribu d'Asser. Leur territoire comprenait Elkat, Ali, Bethen, Akeshaf, Alamelech, Amad et Mical. À l'ouest, la frontière touchait au mont Carmel en suivant le torrent de Kior-Libnat. À l'est, la frontière remontait vers Beth-Dagon, touchait le territoire de Zabulon et la vallée de Iphtahel, puis se dirigeait vers le nord pour atteindre Beth-Emek et Nehiel. Elle continuait ensuite dans la même direction, passait à Kaboul, Abdon, Rehob, Ammon et Cana pour aboutir près de Sidon, la grande ville. Elle tournait alors vers Rama et la forteresse de Tyr, puis elle se dirigeait vers Ossa et aboutissait à la mer Méditerranée, en passant par Mahaleb, Akzib, Afek et Rehob. En tout, le territoire comprenait 22 villes et les villages voisins. Toutes ces localités se trouvaient dans la part attribuée au clan de la tribu d'Asser. La sixième part attribuée par le sort fut celle des clans de la tribu de Nephtali. La frontière sud partait de Eleph et du chêne de Saananim, passait par Adami-Nekeb et Yabnéel, atteignait la Koum et aboutissait au Jourdain. À l'ouest, la frontière tournait vers Asnot-Tabor, rejoignait Houkok, longeait le territoire de Zabulon au sud, puis celui d'Asser à l'ouest. À l'est, elle était formée par le Jourdain. Les villes fortifiées étaient Sidim, Ser, Amat, Rakat, Kinneret, Adama, Rama, Assar, Kedek, Edrei, Enhassar, Iron, Migdal-El, Orem, Beth-Anat et Beth-Shemesh. En tout, 19 villes avec les villages voisins. Toutes ces localités se trouvaient dans la part attribuée au clan de la tribu de Nephtali. La septième part attribuée par le sort fut celle des clans de la tribu de Dan. Leur territoire comprenait Sora, Ekitaol, Irshemesh, Sha'alabin, Ayalon, Itla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Yehud, Beneberak, Gatrimon, le cours du Yarkon, Rakon et le territoire autour de Jaffa. Lorsque les membres de la tribu de Dan perdirent leur territoire, ils allèrent attaquer Léchem. Ils s'emparèrent de la ville et tuèrent ses habitants. Ils l'occupèrent complètement et s'y installèrent. Ils donnèrent alors à Léchem le nom de leur ancêtre, Dan. Toutes les villes nommées ci-dessus et les villages voisins faisaient partie du territoire attribué au clan de la tribu de Dan. Quand les Israélites eurent fini de répartir le pays entre eux, ils donnèrent une part de leur territoire à Josué, fils de Nun. Conformément à l'ordre du Seigneur, ils attribuèrent à Josué la ville qu'il demanda, à savoir Timnath-Séra, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Josué rebâtit la ville et s'y installa. Le prêtre Élazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus israélites répartirent ces différents territoires par tirage au sort. Ils le firent à Silo, en présence du Seigneur, à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. Le Seigneur ordonna à Josué de transmettre aux Israélites les instructions suivantes. « Choisissez les villes de refuge dont j'ai chargé Moïse de vous parler. Si quelqu'un parmi vous tue une personne accidentellement, sans l'avoir voulu, il pourra se réfugier dans l'une de ces villes et échapper ainsi à l'homme chargé de venger la victime. » En arrivant à la ville de refuge, l'auteur de l'accident mortel s'arrêtera à l'entrée, là où l'on traite les affaires publiques, et expliquera aux anciens du lieu ce qui est arrivé. Ceux-ci le laisseront alors entrer dans la ville et lui indiqueront un endroit où il pourra habiter. Si l'homme chargé de venger la victime poursuit l'auteur de l'accident jusque-là, les habitants de la ville ne livreront pas celui-ci. En effet, c'est accidentellement qu'il a tué une personne pour qui il n'avait jamais eu de la haine. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait été jugé par la communauté et jusqu'à la mort du grand prêtre en fonction à ce moment-là. Après quoi, il pourra retourner chez lui, dans la ville d'où il s'était enfui. Les Israélites mirent à part les villes de Kedesh en Galilée, dans la région montagneuse de Nephtali, de Sichem, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et de Kiriath Arba, appelée aussi Hébron, dans la région montagneuse de Juda. De l'autre côté du Jourdain, à l'est de Jéricho, ils choisirent Bézer sur le plateau désertique appartenant à la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad, appartenant à la tribu de Gad, et Golan dans le Bashan, appartenant à la tribu de Manassé. Ces villes furent choisies pour servir de refuge aux Israélites et aux étrangers installés chez eux. De cette façon, si quelqu'un tuait accidentellement une personne, il pouvait échapper à l'homme chargé de venger la victime et n'était pas mis à mort avant d'avoir été jugé par la communauté. Psaume 88. Chant. Psaume appartenant au recueil de la confrérie de Corée, du répertoire du chef de chorale, à exécuter sur le mode mélancolique. Poème chanté attribué à Héman, l'Ezraïte. Seigneur Dieu, mon Sauveur, le jour je crie au secours, la nuit je me tiens devant toi. Accueille ma prière avec bienveillance, tends une oreille attentive à ma plainte. Oui, j'en ai plus qu'assez des malheurs et je suis à deux doigts de la mort. Tous me considèrent comme un homme fini, un homme pour qui on ne peut plus rien. J'ai ma place parmi les morts, comme les cadavres couchés dans la tombe. Tu ne tiens plus compte d'eux et tu ne fais plus rien pour eux. Tu m'as mis au fond du gouffre, dans l'obscurité profonde de la mort. Ta fureur s'est abattue sur moi en vagues dont tu m'accables. Tu as éloigné de moi mes familiers, Je suis pour eux un objet de dégoût. Me voilà enfermé dans mon malheur, impossible d'en sortir. Mes yeux sont usés de chagrin. Chaque jour, Seigneur, je t'appelle au secours. Je tends les mains vers toi. Feras-tu un miracle pour les morts? Vont-ils se lever pour te louer? Chez les défunts, parlera-t-on de ta bonté ou de ta fidélité dans le monde des morts? Dans la nuit totale, sait-on quelque chose de tes miracles? Au pays de l'oubli, a-t-on une idée de ta loyauté? Moi, je t'appelle au secours, Seigneur. Dès le matin, je t'expose ma demande. Pourquoi, Seigneur, m'as-tu rejeté? Pourquoi refuses-tu de me voir? Depuis mon enfance, je suis pauvre, à deux doigts de la mort. J'endure la terreur que tu m'imposes, j'en suis bouleversée. Le feu de ta colère passe sur moi, tes attaques terribles m'anéantissent. Comme des eaux qui me submergent, tous les jours elles m'assaillent de tous côtés, et tu éloignes de moi tous mes amis. L'obscurité seule me tient compagnie. Nous commençons ce matin un nouveau chapitre du livre des Proverbes, qui est le chapitre 13, et nous lirons à l'instant les versets 1 et 2. Un fils qui a de la sagesse tient compte des avertissements de son père, mais un fils insolent n'accepte aucun reproche. L'homme de bien récolte le fruit de ce qu'il dit. Les gens déloyaux vivent de violence. Nous terminons avec notre portion de texte du Nouveau Testament. Nous sommes dans l'Évangile de Luc, chapitre 3, et nous lirons les versets 1 à 22 aujourd'hui. C'était la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de Judée, Hérode régnait sur la Galilée et son frère Philippe sur le territoire de l'Iturée et de la Traconitide. Lysanias régnait sur l'Abilène, Anne et Caïphe étaient grands prêtres. La parole de Dieu se fit alors entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région voisine de la rivière, le Jourdain. Il lançait cet appel : Changez de comportement, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Ainsi arriva ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre : Un homme crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les courbes de la route seront redressées, les chemins en mauvais état seront égalisés. Et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. Une foule de gens venait à Jean pour qu'il les baptise. Il leur disait : Bande de serpents, qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement divin qui est proche ? Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité et ne vous mettez pas à dire en vous-même « Abraham est notre ancêtre », car je vous déclare que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Les gens lui demandaient « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit « Celui qui a deux chemises doit en donner une à celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger doit partager. » Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés et demandèrent à Jean : « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit : « Ne faites pas payer plus que ce qui vous a été indiqué. » Les soldats lui demandèrent également : « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur dit : Ne prenez d'argent à personne par la force ou en portant de fausses accusations, mais contentez-vous de votre solde. » Le peuple attendait, plein d'espoir. Chacun pensait que Jean était peut-être le Messie. Jean leur dit alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais celui qui vient est plus puissant que moi. Je ne suis pas même digne de délier la courroie de ses sandales. Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il tient en sa main la pelle à vanner pour séparer le grain de la paille. Il amassera le grain dans son grenier mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. » C'est en leur adressant beaucoup d'autres appels encore que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Cependant, Jean fit des reproches à Hérode qui régnait sur la Galilée parce qu'il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère, et parce qu'il avait commis beaucoup d'autres mauvaises actions. Alors, Hérode commit une mauvaise action de plus, il fit mettre Jean en prison. Après que tout le monde eut été baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. » Terminons ensemble par la prière. Seigneur, éternel Dieu, toi qui es un Dieu loyal, si grand et si puissant, on te demande par éternel, comme le psalmiste ce matin, d'accueillir avec bienveillance notre prière, alors que nous venons devant toi pour passer du temps avec toi, pour communier avec toi, Seigneur. Et nous voulons te confesser tous nos péchés, toi qui connais nos cœurs durs, toi qui connais nos cœurs orgueilleux. Oui, Père éternel, nous aussi nous voulons répondre à l'appel de Jean qui disait « changer de comportement ». Seigneur, on te prie de changer nos cœurs, de nous purifier. Nous voulons être des vases d'argile alors que toi tu es le potier. Brise-nous, Seigneur, façonne-nous, sanctifie-nous. Père éternel, je te prie que nos actes puissent démontrer notre changement de cœur, notre changement de mentalité, notre changement de comportement. Aide-nous par ton esprit à porter du fruit. Éternel Dieu, je te prie que tu nous aides à nous contenter et à recevoir avec joie ce que tu nous donnes. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer de plus que toi, Seigneur? On veut te prier que toute notre joie, on puisse la trouver en toi, toi qui es le Fils bien-aimé du Père, toi qui es l'agneau digne. Et c'est dans le nom précieux de Jésus qui a tout donné et tout payé qu'on veut te prier ce matin. Amen.